Ok, je débarque dans la place, place, c'est un effet néfaste, faste. Quand je gratte sur ma feuille, les mots, je les dévaste. Vaste patate lyricale, ma ta face, il te reste plus que 6 dents. Quand j'arrive dans la place, je provoque un accident. Les rimes te font froid dans le dos, te fiche comme le bizarre. Quand j'utilise la technique de mon flow, ça te semble bizarre. T'as plus de boussole, maintenant t'es du père, ça y est. L'effet néfaste plus microphone, résultat super, ça y est. La base est ta critique, nous on pratique la danse des lettres. Tu te demandes comment l'élève a fait pour dépasser le maître. Je kick le beat avec ma clique à l'ancienne comme un stylet. F.A.S.T. t'as reconnu mes stylets. Yo check mec, j'ai mal avec ma tête de tribal. Dans ton cisaille, ramène de la caille. Dans ton hôpital, psycho. Oppose les faibles et les costauds. Ta mère et les portes, tu tic bao. Pour qu'on la crève, comme ton morceau brise les carreaux. Mes carreaux, voodoo et si bas. Qui t'attend dans la peine, non pendant que tu ne le vois pas. Et si tu ne peux pas saisir, tu sais que les gueux, ouais de les vis, sont encore pire. Ce qui casse les gueux de merde depuis la brise. Je ne veux pas te devoir de tu ne toiles le système qui m'encule le beat. Et puis fond, flow à tout ce matin, je te brûle. Ma tête, ce sale mes techs. Quand tu menaces le tech, ramasse ma tech. Les balles de mon famas traversent ta veste. Arrête, empeste à l'aise. Mon blast traverse, ton pète ma ref. Allez, car on est dingue dans la tête. En fait, on pète ta haine. Un flow qui s'inquiète, ça t'inquiète. Quand t'as goûté mes codes de ken. C'est BTB, Fury. On featuring, tu ris. Mais tu rires à moi quand sur ta putain de rime j'urine. Et c'est là que tous les lâches ont lâché. Pas de muselière quand tous mes yinches sont lâchés, fâchés. Toxique, donc stop sec. Pomme toupie. Le buzzy qui t'obsède. Flomatique attaque des queues. J'entends l'authentique attaque de la classe. Et claque de chaque mot que je dégueu. C'est chum quand je prends le microphone. Ils veulent enfermer notre hip-hop. Mais quand je l'ouvre toutes les chaînes tombent. Je blesse ton ego, la collabo te fait mal mal. BNC Lausanne crée juste un effet de magma. Matma, technique lyricale. Depuis j'ai que dalle. Quand je déballe j'aligne des rimes avec une rapidité d'anormal. Les balles détonnent des types qui se demandent c'est qui c'est car. Ils ont compris d'ailleurs. J'vois déjà ton groupe qui s'écarte. Plein de bombes et de gros missiles. Garçon qui t'a sombré, car tous ensemble on provoque l'arçon. Hey yo c'est Tiso, je chope le microphone et fais des prisos. Je suis schizo, j'inspire mon remède à l'aide d'un zippo. C'est ma physio, demande aux Jamaïcains qu'on m'avise. Son fiston éteint ta télé, pourtant c'est pas de la fiction. C'est de la pure réalité, l'as-tu déjà écouté? Ne fais néfaste projet, mets Kaido sur le couplet. Je représente la base, comme une true dans la place. Armé de vinyle, mic, sang, de pure classe. Socrates, Senate, Exalrica, les membres, mon crew. Maîtrisons les coups lyricales qui se mettent à genoux. Phénoménal, one two, mixer Renoir d'une barbe tout. Je viens d'ici et d'ailleurs, en fait je suis de partout. Appelle-moi Tiki Bear, ou encore le ta-ta-ta-ta. J'm'en bats les couilles, c'est nié, dans ton thème grosse patata. J'éclata, sur la caisse claire, qu'est-ce que t'espères? Tu me laisses faire, ensuite je me casse pour que tu restes fier. C'est clair, j'viens d'ailleurs, je lui ai dit où le Loch Ness. Je te retiens la légende pendant que pour ancrer ton frog space. Frappe direct au cortex, cérébral, et la source en dans le contexte. Lâche mec, c'est létal, dès que je m'étale, en vite avec des crew vénères. Qui dans ta face, la base je représente. Quand la botte tellement puissante, les faux ne peuvent même pas se défendre. Il faut descendre dans la putain de ville de Bienne pour voir la vie que je mène. Faut croire qu'on est des spécimens à part. On est les grossistes number one en Suisse. Mais tu trouvais ça triste le jour où ton fils fera du bis ou prendra par le pif. Kiff, ce sont comme un spliff. Dis mon flow comme du Bordeaux ou comme une taille de Jack au bord du lac. Tu crois que je blague ou pas? Je reste fidèle, mais la raconte pas. Ça fait maintenant bientôt 6 ans qu'à la musique j'ai mis ma putain de bague au doigt. Ha, je reste unique comme cette mixtape. Bon appétit, on cuit le beat comme un beefsteak. Pshhh.